qui me viennent quand je pense à nous deux. Juste avant que cette même semaine, jurer devant Dieu que tu ne toucherais plus la mienne. J'accepte tes vœux, mais j'aimerais que tu saches quand même que j'ai désiré tant de nous. Qu'aujourd'hui j'en perds la raison, que j'ai désiré tant de nous. Que mon cœur portera ton nom, que j'ai désiré tant de nous. Qu'aujourd'hui j'en perds la raison, que j'ai désiré tant de nous. Que mon cœur portera ton nom derrière le masque que je mets pour cacher la peine qui me terrasse. Quand je te vois devant l'autel, durer devant Dieu, que tu ne serais plus mienne, prononce tes vœux. Mais j'aimerais que tu saches quand même que j'ai désiré tant de nous. Qu'aujourd'hui j'en perds la raison, que j'ai désiré tant de nous. Que mon cœur portera ton nom, que j'ai désiré tant de nous. Qu'aujourd'hui j'en perds la raison, que j'ai désiré tant de nous. Que mon cœur portera ton nom. Portera ton nom. J'ai désiré. Je